final, irai en défense et tout dans l'attaque. Le monde appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent guette. Le monde appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient, ouais, à ceux qui se lèvent ghetto bang. J'dédicace à ma zone.